Merci de nous avoir choisis parmi les autres radios. Bonjour et bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Le ministre de l'Intérieur dit que le gouvernement burundais ne va pas demander la contribution aux élections de 2020 à un fonctionnaire qui aura 0 franc sur son compte. C'était ce jeudi devant les syndicalistes. Et ce samedi 27 janvier, ça fera 5 ans, jour pour jour, que l'ex-marché central de Bujumbura ait pris feu au niveau de la deuxième vice-présidence. L'on indique que le processus est en cours pour l'identification des sociétés qui peuvent construire une molle à cette place. Les réfugiés en provenance de la RD Congo continuent à fluer vers le Burundi. Selon des informations de Rumonge, ils avoisinent les 4000 et le gouverneur de cette province fit savoir qu'ils n'ont aucune assistance. Le président de l'Association burundaise des élus locaux appelle tous les membres des conseils communaux à se confier au gouverneur des provinces au cas où il n'y aurait pas la tenue régulière des réunions des conseils communaux. Voilà pour le sommaire. Les manettes sont tenues par Eli Kadogo. À la présentation de ce journal, vous retrouvez Alida Ndaikeza. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore. Le gouvernement burundais ne pourra pas demander de contribution aux élections de 2020 à son fonctionnaire qui aura 0 franc sur son compte à la fin du mois de janvier. Annonce faite ce jeudi par le ministre de l'Intérieur au cours de la réunion avec les représentants des syndicats des travailleurs au sujet des contributions aux élections. Les syndicalistes ont rappelé que personne n'a le droit de toucher sur le salaire du fonctionnaire sans compromis. Les détails avec Évariste Nzikobanyanga. Les syndicalistes qui ne refusent pas de donner ces contributions aux élections ont émis ce jeudi beaucoup d'inquiétudes à ce sujet lors de la réunion avec les 3 ministres du gouvernement. Le président de la Kosibu, Tarsis et Gahungu, se demande comment la contribution sera amputée sur le salaire zéro d'un fonctionnaire à la fin du mois. 2 ministres du gouvernement qui ont lancé une ordonnance ministérielle suspendant les annales d'autres avantages salariales, il s'agit de celui de la fonction publique et de celui des finances ici présents. Nul n'ignore que cette ordonnance a touché beaucoup de fonctionnaires. Il y a même ceux qui ne perçoivent rien sur leur compte. Il y a même des associations qui accordent de petites sommes à cette catégorie de fonctionnaires pour qu'ils n'aillent pas en dessous de zéro. Tout le monde est conscient, mais il faut d'abord un compromis. Nous aimerions aussi rappeler que personne n'a le droit de toucher sur un salaire de quelqu'un. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Ibarandagiye, tranquillise cette catégorie de fonctionnaires. Celui qui aura 0 comme salaire net, il ne sera pas concerné par ses cotisations aux élections. Il est pratiquement impossible d'imputer sur le salaire de quelqu'un qui a 0. Les syndicats, eux aussi, n'ont aucun droit sur le salaire de quelqu'un. Ce dernier peut le donner en totalité à sa grand-mère, à sa belle-mère ou au gouvernement. Aucun syndicaliste ne peut l'en empêcher. Le président de la COSIBU a une autre inquiétude. C'est sur la cotisation mensuelle demandée aux parents des enfants en âge de voter. Nous avons constaté que nos enfants en âge de voter sont aussi concernés par ces cotisations. Vont-ils cotiser mensuellement comme nous? Ça, c'est aussi une autre question qui nécessite une explication. Le ministre Barandagiye trouve que ces cotisations qui versent de l'encre et de la salive ne sont pas exorbitantes. Ce membre du gouvernement demande à celui qui ne veut pas cotiser d'aviser les services habilités. Celui qui a l'honnêteté à payer de 500 000 francs est appelé à cotiser 5 000 francs. Durant toute l'année, il aura cotisé 60 000 francs burundais. Ces cotisations seront amputées sur 6 millions qu'il aura touché comme salaire durant toute l'année. Il n'y a pas à se plaindre. Sur un montant de 6 millions de francs. C'est impossible. Les 3 ministres du gouvernement du Burundi qui ont lancé le dialogue social ce jeudi avec les représentants des syndicats ont promis de le poursuivre pour lever tout équivoque. Merci Évariste pour ces précisions. Je vous le disais en titre, le processus d'identification des sociétés ou personnes ayant les capacités techniques et financières suffisantes pour pouvoir construire un centre commercial moderne dans l'endroit où se trouvait l'ex-marché central de Bujumbura est en cours. Cela est indiqué par Shadrack Niyonguru, conseiller à la deuxième vice-présidence, en même temps secrétaire exécutif des réformes pour l'amélioration du climat des affaires. Il indique que celui qui gagnera le marché, c'est celui qui sera chargé du nettoyage de cet endroit. Suivez-le au micro de Gertrude Mawenayo. Le gouvernement a décidé de faire un appel d'offres ouvert pour qu'il n'y ait personne qui puisse se dire qu'il a été écarté alors qu'il avait les capacités suffisantes pour pouvoir participer à ce marché. Après, alors, le dossier a été élaboré ici à la deuxième vice-présidence et il a été présenté au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres l'a analysé, a décidé alors à ce que au site de l'ex-marché central de Bujumbura, on y construise un grand centre commercial moderne et de type mall, shopping mall en anglais. À ce moment-là, comme la loi le prévoit, le Conseil des ministres l'a confié au ministre des Finances de pouvoir faire le suivi de ce dossier. Ils ont élaboré un dossier d'appel d'offres et ils ont publié cet appel d'offres qui était un appel d'offres international. Et comme la loi le prévoit, il fallait attendre 3 mois pour que les soumissionnaires puissent déposer leur dossier. Après les 3 mois, personne n'a déposé le dossier, y compris même ceux-là qui avaient dans le temps dit qu'ils étaient intéressés par le marché. Et le Conseil des ministres, conformément à la loi, a indiqué que le dossier puisse se traiter et par, je dirais, un appel d'offres restreint qui permet alors à ce qu'on puisse identifier les sociétés ou des personnes qui ont des capacités techniques et financières suffisantes pour pouvoir effectivement construire ce marché modeste à la place de l'ex-marché central de Bujumbura. Et maintenant, la procédure est en cours d'identifier ces sociétés capables de le faire. Mais aussi, comme vous le savez, il y a beaucoup d'investisseurs qui visitent pour le moment au Burundi. Parmi même les visiteurs qui sont ici et au moment où je vous parle, il y en a qui ont déjà exprimé la volonté, qui ont dit qu'ils sont intéressés par la construction de ce marché, de ce grand centre commercial à cette place-là. Et nous pensons que dans les jours à venir, il y aura probablement une société qui sera identifiée, sélectionnée pour pouvoir faire le travail. Vous envisagez au moins le dégagement, je dirais, les déchets qui se trouvent dans cette place? Le dégagement de cette place fait partie de l'ensemble du dossier. C'est même cela qui avait été dans le dossier d'appel d'offres. Pour pouvoir construire sur cette place, celui qui gagnera le marché, c'est lui qui va s'occuper de tout dégager et tout démolir pour pouvoir construire l'infrastructure qui convient. C'était Shadrack Niyonguru, conseiller à la deuxième vice-présidence. Et rappelons que l'ex-marché central de Bujumbura a pris feu le 27 janvier 2013. Ce samedi, cela fera 5 ans. Les membres des conseils communaux qui ne tiennent pas les réunions régulièrement sont appelés à saisir les gouverneurs des provinces. L'appel est du président de l'Association burundaise des élus locaux qui confirme qu'il y a des cas isolés où s'observe le dysfonctionnement de ces conseils communaux. Martin Niteretse indique que ceux qui se sentent lésés doivent aussi informer cette association pour qu'elle mène son rôle de coaching. Il le dit après que certains membres du conseil communal de Mukaza aient indiqué que leur conseil communal ne se réunit pas comme il le faut selon la loi communale. Suivez l'honorable Martin Niteretse. D'abord, je peux dire que ces cas où le conseil communal ne fonctionne pas normalement, ce sont des cas particuliers. Alors, lorsque le conseil communal ne tient pas régulièrement ses réunions, il est prévu, pour la première fois, faute de quorum par exemple, il est prévu des mesures pour la tenue de la deuxième réunion et la troisième réunion au cas échéant, lorsque le deuxième quorum n'est pas atteint. Alors, la BELO fait un appui conseil, ce qu'on appelle le coaching. Ce sont des conseils qu'on prodigue aux membres des conseils communaux et aux membres des bureaux des conseils communaux, dont le président, le vice-président et l'administrateur communal, pour la tenue régulière des réunions. À ceux qui se sont intéressés lorsque ces conseils ne se tiennent pas, d'abord, ils s'adressent prioritairement au gouverneur de province parce que c'est lui qui représente le chef de l'État au niveau provincial. De deux, ils peuvent nous informer et nous appuyons par voie de coaching, des appuis conseils. Et si le cas échéant, en cas de manquement grave, peuvent s'adresser également au ministère de l'Intérieur qui assure la tutelle des communes au deuxième degré. Parlons encore des nouvelles concernant les communes. Le Fonds d'investissement communal FONIC ne constitue pas un obstacle pour le développement des communes, mais leur offre un appui technique. Ce sont les propos du directeur général de ce fonds, Jean-Claude Nduimana, nie avoir recueilli des lamentations des communes faisant état d'être privées d'indépendance dans la réalisation des projets de développement. C'est après que le ministère de la Bonne Gouvernance ait indiqué lors de la présentation de ses réalisations de l'année dernière que les communes n'ont pas exécuté des projets de développement durable. On l'écoute. Au niveau du Fonds national d'investissement communal FONIC, nous appuyons les communes ou nous les accompagnons dans la réalisation des projets d'investissement communal. C'est-à-dire que les communes soumettent les projets de développement, le FONIC les analyse et les approuve et donne quitus aux communes de continuer le processus de passation des marchés. Le FONIC procède au déblocage des avances de démarrage. Toutes les communes soumettent les projets de développement dans l'enveloppe allouée par l'État de 500 millions. À titre d'exemple, en 2016, toutes les communes ont pu soumettre 737 projets et on a pu connaître un taux d'engagement de 92,8% du budget. En 2017, toutes les communes du pays ont pu soumettre 1260 projets et on a pu engager le budget des communes à 99,9%. Pour ceux qui disent que le FONIC constitue plutôt un obstacle pour le développement des communes, qu'est-ce que vous en dites? Je crois que ça, c'est une opinion. À notre niveau, nous sommes très satisfaits de l'étape franchie par les communes du Burundi en matière de décentralisation. Rien n'a changé du point de vue technique. Ce qui a changé, c'est au niveau du décaissement. C'est-à-dire que les années précédentes, l'argent qui était destiné aux communes transitait sur le compte du FONIC qui sont logés à la BRB. Maintenant, le Parlement a voté une loi qui supprime cette étape. Le journal continue sur la radio Isanganiro. Je vous le disais également en titre. Les réfugiés congolais et burundais venant du pays voisin de la République démocratique du Congo continuent à arriver au port de Lumonge depuis ce mercredi. Le gouverneur de cette province indique qu'il risque d'atteindre un effectif de 5 000. Juvenal Guilimana parle d'une vérification qui est en train de se faire du côté des réfugiés burundais pour qu'ils regagnent leur colline natale et l'OHCR va s'occuper du cas des Congolais. On l'écoute. Depuis mercredi et hier jeudi, on avait 3952 réfugiés congolais. Et le matin d'aujourd'hui, dans les bateaux, il y avait d'autres Congolais qui n'étaient pas encore enregistrés. Ils sont classés dans deux catégories. Il y a des Burundais. Pour les Burundais, ça, il n'y a aucun problème parce qu'après la vérification, on vérifie si réellement ce sont des Burundais. On vérifie si les collines de recensement qu'ils nous ont dit que ce sont leurs propres colline natale, et puis quand on trouve qu'ils n'ont pas de problème avec ça, immédiatement, on les laisse partir chez eux. Et pour les Congolais, le HCR est déjà venu. Nous ne faisons que donner ces Congolais au HCR. Et puis c'est le HCR qui va connaître là où il va les mettre. Jusqu'à maintenant, on a déjà amené des camions, des bus. On est en train de les transporter vers les camps de réfugiés. C'était Juvenal Wigilimana, gouverneur de la province Lumonge. Il est 13h10 à Bujumbura. Le journal continue sur la radio Isanganiro. Il n'y a pas d'inconvénient à fusionner les sociétés Air Burundi et Sobujeya. L'affirmation est du ministre des Transports et des Travaux publics dans une conférence de presse ce vendredi lors de la présentation des réalisations pour l'année écoulée. Le ministre Jean Bosco Nzuinimana a en outre indiqué que le gouvernement se penche sur les loyers payés par des sociétés de l'État disproportionnés par rapport à ce que le gouvernement reçoit. On l'écoute. Concernant la fusion Sobujeya Air Burundi, ici, il faut savoir une chose. Le gouvernement a 90% du capital social à Sobujeya et 5% pour Sabena et 5% pour Sokabu. Donc, la durée de 30 ans qu'on avait donnée à ses actionnaires, n'est-ce pas, ont été largement dépassés. Donc le gouvernement maintenant a des obligations, n'est-ce pas, de fusionner des sociétés parce que et de racheter le capital social de Sabena et de la Sokabu parce que le gouvernement est toujours majoritaire à travers les Burundi qui représentent le gouvernement. Donc il n'y a pas d'inconvénient de fusionner des sociétés, surtout que le gouvernement est majoritaire représenté par les Burundi. C'est pourquoi nous allons commanditer un audit administratif, financier, technique pour savoir comment on pourra les fusionner. Donc ici, on vous tiendra informé au moment opportun le résultat de cette étude. Les inquiétudes de ce sujet ne dictent pas le gouvernement, c'est le gouvernement qui dicte la sujet et le personnel. Concernant la question des royaumes, cette question a été analysée maintes fois en Conseil des ministres où nous avons constaté effectivement que le gouvernement paye beaucoup, mais reçoit peu, n'est-ce pas, pour les maisons louées par les services, on paye beaucoup, mais pour les maisons louées par des particuliers, les maisons de l'État, on reçoit très peu. Nous sommes en train de voir une formule, n'est-ce pas, qui nous permet de diminuer, n'est-ce pas, les frais de location et d'augmenter aussi les frais de loyer pour les services de l'État. Donc, il y a des textes, il y a des notes qui ont passé au niveau du Conseil et qui ont été adoptées et nous espérons que nous allons mettre en application les différentes recommandations du Conseil des ministres. C'était Jean Bosco Nunzwenimana, ministre des Transports et des Travaux Publics. Terminons ce journal par des nouvelles en brève. Les parents d'élèves de l'Ecofo Bugongo de la commune Mutambo de la province Bujumbura demandent que l'argent qui est destiné au paiement des vacataires soit suspendu par la direction de cette école. Ces parents disent que cela fait déjà 7 ans qu'ils donnent 1000 francs par élève et par trimestre, mais ils indiquent ne plus être qu'à mesure d'avoir cet argent. Emmanuel Wigilindavi, directeur communal de l'enseignement commune Mutambo, fit savoir que la direction a déjà demandé l'affectation de nouveaux enseignants et qu'en cas de disponibilité de ces derniers, cette école sera prioritaire. Cette école dispose de 5 enseignants embauchés au titre de vacataires. Une élève de l'Ecofo Kibamge en commune Manda est dans les mains de la police depuis ce vendredi. Elle est accusée d'avoir tué un enfant qu'elle venait de mettre au monde ce jeudi. Après avoir disparu toute la journée de ce jeudi, elle s'est présentée elle-même à la police judiciaire ce vendredi, rejetant en bloc toutes les accusations faites à son égard. Un infirmier de Moussegni, suspecté d'avoir aidé cette jeune fille, a été arrêté pour les enquêtes. Et en commune Gihanga, c'est une fille mère qui est détenue au cachot de la police judiciaire pour infanticide selon les sources policières et administratives. Et c'est par ici qu'on se sépare. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.